Julien Collard, les grands enfants. Salut. Salut. Content d'être avec vous. Bonjour. Le numéro de vos grands enfants. Avec autour de moi un grand enfant qui n'a pas regardé le match PSG 3 hier sur C8. Non, il y avait Batman sur Gulli, Cyril Fongolfi. Salut tout le monde. Une grande enfant qui accepterait de venir avec moi voir un match juste parce qu'il y a bière à volonté. Dès qu'elle a l'alcool, elle sait que c'est pour elle. Un grand enfant qui répond toujours à côté. Parlez-lui de Mbappé, il vous parlera de Platini, Henri Privat. Bonjour. Et enfin, c'est quoi ce bonjour, bonjour. Non, c'est agressif, tu m'agresses, mec. Mais je t'agresse pas, je dis que tu connais rien. J'ai eu l'impression que tu l'avais réveillé, moi. Et enfin, une grande enfant. Non, c'est sa première avec nous, une nouvelle grande enfant qui se rajoute à notre équipe et qui, j'en suis sûr, ne sera pas hors jeu. Sarah Rocco. Bonsoir. Bonsoir, Sarah. Bonjour. Bonsoir. Et le carton jaune est pour Julien Collin. Pourquoi ? Je ne sais pas. Parce qu'on va parler. C'est dans le foot ? Non, non, mais la présentation est dans le foot, mais ça n'a rien à voir avec le foot, puisque je sais qu'il n'y a aucun d'entre vous qui aime le foot. Je déteste. Ah bon ? Pourquoi tu dis ça ? Henri, tu aimes le foot ? Mais je suis né au stade Jean Bouin à Nîmes, autant où Nîmes Olympique, c'était il y a 50 ans. Dans le stade ? Il était brillant, à côté. Stade Jean Bouin. Ta mère était coiffeuse ? Je vois pas le rapport. Jean Bouin. Jean Bouin. Non, oh là là. C'est Jean Bouin aux œufs, alors. Oh merde. Putain. Eh, celle-là, t'es partie la chercher, en fait. Et t'es revenu. Il faut se mettre dans le vide. T'as dû revenir. Mais Jean Bouin, c'est Paris, c'est pas. C'était Nîmes. Enchaîne. Avant les costières, 20 ans avant les costières. Ah, d'accord, bah écoute, très bien. On démarre, Julie, par... Les citations. Là où tu es la plus mauvaise. C'est ça. Ah, on y va, c'est parti. Pourtant, elle est bonne. Jingle. Jingle. À chaque fois, on lui fait ça. Mais... Julien Collard, c'est vrai que les enfants. Plus l'émission avance, plus elle s'habille. La meuf, on dirait qu'elle va... C'est Miss France, elle va défiler, quoi. La semaine dernière, c'était petite bottine, jupe et collant. Fais pas bavarder. Maintenant, je suis une fille, en fait. Maintenant, c'est boutons cuisses. Non, j'ai pas de boutons sur les cuisses, je tiens à le préciser. Non, mais agrafe, comment on c'est appelle le ça style, oh là là. C'est le style. Là. Je comprends pas. Tu l'as regardé ou quoi? Je peux pas comprendre. Mais à chaque fois, il me parle avec sa marinière. Là. Toujours la même. Moi, je me change à chaque émission. Je me change, je mets des baskets, je mets des chaussures. J'ai deux paires de chaussures, j'échange. Tu vois ? Qui a dit un adulte, c'est un enfant qui a réalisé ses rêves. Et est-ce qu'il est mort ? Non. C'est un pédophile ? Ça va pas, tu veux qu'on ait des problèmes ? Pourquoi ? Tu aurais des problèmes avec les pédophiles ? Non, mais avec le CSA. Ah, le CSA ? Oui. On n'a pas le droit de parler de pédophilie mais avec non. le CSA. Bah, là, on en gros, peut parler de quoi ? C'est tabou. Moi, tu comprends ? Donc non, il ne sait pas prêtre. Non, parce que... Qui a dit un adulte, c'est un enfant qui a réalisé ses rêves. C'est beau, hein. Moi j'y crois très fort. Bah, c'est pas vraiment. Est-ce que c'est un Belge profond, je trouve. Est-ce que c'est un Belge? Non. Monseigneur Barbarin. J'aurais dit Marc Dutroux, moi. C'est un acteur. C'est un acteur. C'est Wilde. C'est un acteur, mais surtout il est connu pour acteur. Mais est-ce que ça m'intéresse? Non. C'est Emmanuel Smith. C'est Emmanuel Smith. Excusez-moi, c'est un grand réalisateur, c'est un écrivain et il a fait plein de citations, je te signale, qui ressemble à celle-ci. Non, c'est français. Mais il est français, hein. Smith. Emmanuel Schmitt. Comme les cuisines. Schmitt. C'est Emmanuel Schmitt. Voilà. Oui, c'est bah, ça. Oui. Alors, mais c'est pas Smith, mais non. C'est Fred Dicker. Excusez-moi, il est belge d'ailleurs, ce monsieur. Mais il t'a demandé s'il était. Non, Emmanuel Schmitt. Oh, ouais, laisse tomber. C'est ni Schmitt ni Smith. Allez, c'est vivant. C'est un humoriste. Oui. Réalisateur aussi de quelques films, mais il est surtout. Albert Dupontel. Non. Eh oui. Eh ben oui. Un adulte. Tu veux répéter un adulte mort, Albert Dupontel. Albert, il nous écoute. Il y avait les ch'tis, là, comment il s'appelle. Non, c'est pas Danny. Alors, attends, c'est un comédien. Comédien, surtout humoriste, qui a réalisé quelques films, qui a fait quelques films. Gad Elmaleh. C'est pas Gad Elmaleh. Un titre. Il a joué dans Trois hommes à un couffin. Non. Gérard. Ah, c'est bon, je le vois, c'est bon. Il est pieds noirs. Gérard. Il est pieds noirs. Si, c'est bon. Comme ça, voilà. C'est bon, je l'ai. Il est directeur. Marc Lavoine. Directeur du Festival de Ramatou. C'est ça. Je l'ai, mais ça arrive pas à venir. Il est pied noir. Il a toujours des. Voilà, Boujnaba. Qui a dit. On n'a pas osé le dire. N'avait fait que l'eau, mais l'homme. On n'a rien compris, reprends-la. Articule. C'est pas possible. Je bois le Stéphane, y a aucun c'est vrai que je boirais bien. Qui a dit Dieu n'avait fait que l'eau, mais l'homme a fait le vin. De par Dieu. Ah, bien joué. C'est mort. Ah, c'est mort. C'est pas. Il est d'où? Pasteur. Il est français. Est-ce que c'était un alcoolique? C'est pas Pasteur. Marie Curie. C'est pas Marie Curie, rien à voir. Est-ce que c'était. Non, écrivain, essentiellement écrivain. Mort donc. Poète, un peu Victor un Hugo. Politique. Victor Hugo, bonne réponse, Destiré. Ah bon, il a dit ça. Envoyé. Qui a dit. La culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on en étale. Coluche. Non. Il y en a beaucoup qui l'ont dit. Il y a... Ouais, il y en a beaucoup. Ouais, mais là, alors, le tout premier. Il y a Jules Renard qui l'a dit. Non, premier. C'est pas Jules Renard. C'est une femme et c'est mort. Il y a des proches qui l'ont répété. C'est une femme. C'est une femme et c'est mort. Elle est morte de la culture. Elle est morte depuis longtemps. Françoise Sagan. Ah, parce que la personne est morte. Elle l'a dit. Le nom de la ministre de la culture. C'est à qui que tu poses la question? À toi, Sarah, t'as 10 minutes de la culture, oui, mais c'est quoi le nom de... Allez, merci, Sarah. Actuelle. Doc Gynico. Françoise Nyssen, elle est d'art, elle est d'Actes Sud, en plus. Mais excuse-nous. Mais c'est pas elle, parce qu'elle n'est pas décédée. Une dernière nouvelle. Ah, parce que la personne est décédée. La personne est décédée. Mais toi, tu peux trouver ça. Pourquoi moi? Parce que tu verras. Merci. Sylvie Joly. Sylvie Joly. Non. Est-ce que c'est lié au cinéma? Elle n'était pas humoriste, elle n'était pas cinéaste. Répète la question. Politicienne. La culture, c'est comme la confiture. Moi, on a... Plus on l'étale. Non, elle n'était pas politicienne. Écrivaine. Maïté. Oui, écrivaine. Ah. Arrête, c'est marrant. Écrivaine. Écrivaine. Par rapport à la couverture. Écrivaine, décédée. Et décédée. Agatha Christie. Elle a dit française. Marie-Yves Clarke. Elle avait dit François Sagan. Bon. Mais elle a dit depuis tout à l'heure. Je l'ai dit il y a un quart d'heure, gros. Ah bon elle l'a dit. Moi, je l'ai dit maintenant. C'est maintenant. C'est l'instant présent qui tient. Non, elle l'a dit. Elle l'a dit. Donc j'ai gagné. Tu voilà. Peux tout rembobiner. Ben bah, d'accord. Alors j'ai pas entendu. Faudra si, replay. Si. Mais bon, tu d'accord. Nous l'avais pas déjà dit. Je... Non. Je conteste. J'avais déjà cité ça. C'est pas elle qui l'a dit en premier quand même. Oui. Bon, non, bah, non. Ça, tu, pas tu, elle l'a dit. Elle l'a dit. Un peu plus difficile. Qui a dit fête. J'aime des... bien ton pull. Fête. Des... Oui, monsieur, pas la question. Ouais. Elle aurait pu gagner le pull. Tu sais, on avait parlé du pull le plus moche. Non. C'est de la jalousie ça. Faites des bêtises, mais faites-les avec enthousiasme. Un humoriste. Comment tu dis ? Un humoriste ? Oui. Non. Qui alors ? Comédien. Comédien. Elle croit m'avoir comme ça. Ouais. Sabine Paturel. Des bêtises. Ah oui. Oui. Non, c'est décédé il y a longtemps. On était nés. Alors faites, non. Faites des bêtises. Elle a donné d'ailleurs, elle a donné une Moi j'étais au lycée. Oula, c'était il y a longtemps. Au collège, parce que je suis pas allé au lycée. Au collège, pas d'Olto. C'était une écrivaine. Oui. Elle a fait quelques pièces de théâtre. Qu'est-ce qu'elle a dit déjà ? faites des bêtises, mais faites-les avec enthousiasme. C'est la femme Jean Poiré. Annie Cordy. Non, c'est pas la femme Jean Poiré. C'est pas Annie Cordy, va très bien. Un jour, ça sera la bonne réponse. Un rapport avec le cinéma ou pas ? Non. Elle a juste écrit. Juste écrit. C'est difficile. Alors là, il n'y a que Henri qui peut. Elle a donné un nom, il y a plein de rues, elle a donné des noms à des rues, à des ronds-points, à des écoles. C'est pas Marie, on arrête avec Marie Curie. Je vais faire un zago. Marie Curie. J'aime bien ce nom. Elle était connue, elle, je crois... Elle a triolé. Non, mais c'est dans ce style-là. Ah. Même si je pense que c'est légèrement un peu plus vieux. Et pas c'est... Ah, c'est... D'accord. Edith Piaf ? Non, c'est plus vieux qu'Edith Piaf. Ah oui, d'accord. Lynn Renaud. Non, c'est moi qui... Elle n'est pas morte. Merde. On sait pas. Pardon, non, je ne sais pas su, parce que je veux qu'elle meure. Ça commence par un C. C. C. C. Catherine Deneuve, elle n'est pas morte. Non, non, elle, elle va très bien. Bah, elle a dit que c'était plus vieux qu'elle était. Avec Catherine C, d'occasion. C'est elle initiales, a beaucoup C, écrit, elle est connue que pour un nom. Elle a pas, un prénom, elle n'avait pas de nom. Coco. Coco Chanel. Ça commence par un co. Corinne de Farm. Je sais pas qui c'est. Il n'y avait pas de nom de famille. Il y a juste un prénom. Coucou. C'est très cool. Je connais des écrivains qui s'appellent Couille. Couille. C'est pas possible. Couvre de couille. Couille. Non, allez. On va pas faire pour la première fois un rébut dans les citations. Si, quand même. Ça pourrait être drôle. Vas-y. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre sinon ? Des indices ? Quelque chose ? Elle est morte en quelle année ? Elle est morte dans les années. Il sait pas. 50. Ouf. Elle a démarré par la prostitution. Madame Claude ? Non, Coco. L'une Colette. De ses... Colette, bonne réponse. Mais c'est qui Colette? C'est... Colette, Henri, Colette. C'est la maîtresse de... Je sais plus qui, d'un musicien. Mais t'es nul ta citation. Colette. Non, c'est pas parce que tu connais que c'est nul, hein, bon, que tu connais pas que c'est nul. Hein. Ça s'appelle la culture. On peut pas toujours citer Coluche. Et non. Enfin, qui a dit, ça c'est pour toi Henri, ah. La seule arme qui m'intéresse, c'est le tire-bouchon. Bah, Depardieu. Ah, mais Depardieu, oui. Voilà. Non, il était Depardieu. Non, mais ils étaient très potes. Et c'est moi. Ah, oui, oui, c'est celui que j'ai dit l'autre jour. Clavier. Pour non. Toi, c'est Batman. Oui, oui. Ah, oui. Oh merde. Carmé. Carmé, bonne réponse. J'ai joué, Henri. Julien Collard, les grands enfants. Ah, on était nés. Ça va. La chambre de commerce de Marca, en Italie, a estimé que ça valait 434 milliards d'euros, soit. Un cinquième du PIB français. Mais qu'est-ce qui coûterait, selon la Chambre de commerce italienne, 434 milliards d'euros? Une crotte de Picasso. Le Vatican. C'est un rapport avec le pape? Non. C'est un rapport avec le pape. C'est italien. Alors, c'est la Chambre de commerce d'Italie qui a fait ça, mais il se trouve que ce n'est pas du tout italien. Et ça se situe en Italie? Non. Qu'est-ce que je viens de dire? C'est la Chambre italienne qui a fait ça. Mais c'est rien à voir avec l'Italie. Qu'est-ce qui coûte? Mais tu dis... C'est une œuvre d'art. T'es incohérent. Milliards. Oui, non. T'es incohérent. Non, vas-y. Rien. Allez, vas-y, explique. Pourquoi je suis incohérent? Vas-y. Parce que tu dis que c'est en Italie, puis après tu dis que c'est pas en Italie. La chambre de Écoutez commerce. Écoutez bien la question. C'est la chambre de commerce qui a fait cette. Pas un institut, comment on dit ça? Cette estimation. Oui. Donc la chambre de commerce de Monza, qui est en Italie. Oui. Qui a estimé que ça valait 434 milliards d'euros. Oui. Soit un cinquième du PIB français. Mais t'énerve pas. Mais ça n'a rien à voir avec l'Italie. Ça, puisque c'est dans le PIB français. Est-ce que c'est une œuvre d'art? C'est un bateau? On peut dire que c'est une œuvre d'art. On peut considérer ça. La Tour Eiffel? La Tour Eiffel, bonne réponse. Ah, bravo. Je peux pas applaudir. Mais... 434 milliards d'euros, la Tour Eiffel. T'as fait cher le boulot. Elle est même pas finie, il y a que l'heure. On peut d'ailleurs se demander, est-ce qu'on peut l'estimer d'ailleurs? Bah, à Paris. Hein kilo de est-ce qu'on peut vraiment l'estimer? Au kilo de ferraille, hein, ferraille, au poids, à la démesure du truc. Non, parce que c'est quand même un patrimoine français important, je veux dire, hein, tu vois. Qui est déjà allé au haut de la Tour Eiffel? Bien ouais. Tout en haut, et je me suis jeté. Tout en haut. Ah ouais. Il est mort. Et donc du coup, t'as pas récupéré ton cerveau, du coup. Non, je l'ai laissé là-haut. Mais on peut pas aller au sommet. Si. Me demande pas, moi, au bout du sommet. On peut pas. Ben non. Bah, presque au sommet. Et vous savez ce qu'il y a au sommet, T'as le jardin des Tuileries avec un cœur. Et vous savez ce qu'il y a écrit? Alors, je sais pas pourquoi, j'ai jamais su pourquoi. Vous savez ce qu'il y a écrit dans le cœur? Juju. Mais on sait pas pourquoi. Mais qui t'a dit ça? qui m'a dit ça? J'ai pris la photo. J'allais récemment à Paris, ça y est toujours. C'est j'ai pris une la pub photo. Pepsi, quoi. T'as pris la photo, donc t'as été au sommet. Non, mais au. Voilà, incohérence. Jusqu'au bout où tu peux. Tu peux pas aller au sommet. Mais pourquoi tu nous as posé la question alors? C'est pas possible. Tu as une bonne recrue. Hein. Qui c'est qui l'a embauché celui-ci? Il regrette de t'avoir pris, je pense. Oh, si tu savais. Alors, du coup, je vous propose quelques questions sur la Tour Eiffel. Ah oui, vas-y. Oui. Je suis enthousiaste. Ah oui, je savais. Dis donc, ça te rappelle des trucs, la Tour Eiffel. En 1889, les premiers visiteurs officiels de la Tour Eiffel ont été la famille royale d'Angleterre. Bien sûr. Mais aussi. Une autre personnalité de l'époque. 89 Plus atypique. Mais qui? Michael Jackson. En 1889. Ah, oui. J'ai compris 1989. 1889, qui c'est vrai? Adolf Hitler? Non. Non. Non, c'est trop vieux. C'est trop vieux. Dalida. 1989. C'est pas Dalida. En 1889. Est-ce que 1800... c'était... Ah oui, non, c'est pas possible. Est-ce que c'était... T'es incohérente. est-ce que c'était quelqu'un qui faisait partie de la royauté? Non. Ah. Un politicien? Non. Ah, alors, oui et non. Un politicien, oui et non. Si on se résume à l'époque. 1989. Le comte de Paris, peut-être, non? Non. Aujourd'hui... Un étranger oui, il n'était pas français, effectivement. Et cette personnalité est devenue une marque, aujourd'hui. Dolce Gabbana. Lévis? Non, pas une marque. Dès que je dis marque, c'est pas une marque de fringues, forcément. Américain? Nick. Américain. C'est pas Américain. Nick. Ford? C'est pas Ford, monsieur Ford. Ah, c'était pas loin. Ouais. Bon, si, elle était loin, parce que c'est pas ça, mais il y a l'idée. Il y avait de l'idée, je trouve. Faut le dire. Mais une marque, alors. Quel genre? Alimentaire? Alimentaire. Coca-Cola. C'est pas alimentaire. Nestlé? McDo. McDo, non. Nutella? Nestlé? McDo, non. Mais... Burger King? KFC? Ouais. Non, pas le monsieur de KFC. Ah, ben l'oncle Benz. Non, pas McDo, pas l'oncle Benz. Ben Ronald. C'est pas un fast-food, c'est plus brasserie. KFC. Marie Blanche. Non, KFC, ça a été dit. Une brasse. Quelle personnalité a été l'un des premiers visiteurs de la Tour Eiffel en 1889? C'est une brasserie, mais... Mike Ken. C'est pas Mike Ken. Pierre Curie. Non, vas-y. Sois un peu plus... C'est une franchise de bouffe, de restaurant, de brasserie. Justin Bridoux, les trois brasseurs. Bridoux a visité... Américaine. Hippopotamus. Non, c'est pas loin. C'est une sorte d'hippopotamus. Les trois brasseurs. Buffalo. Bonne réponse. Non, mais arrête, à un moment donné... Donc c'est Buffalo Bill. Buffalo Bill a visité la Tour Eiffel. Vous croyez que je l'avais au tout début? Oui, mais tu l'as pas dit. Mais je l'ai pas dit. Donc on te croit pas. Voilà. Dommage, mais vraiment j'y ai pensé. C'est bien d'y avoir pensé. C'est dommage. Après Adolf Hitler, j'ai dit plus. Pendant l'hiver. Il fait froid. Il fait froid, oui. La Tour Eiffel. Faut pas faire des blancs. Tu parles, tu. Voilà. Si tu fais des blancs, moi je les comble. Voilà. D'accord, mais. Allez, faudrait peut-être lui donner un verre d'eau. Comble-moi, pour une fois que tu me combles. Pendant l'hiver, la Tour Eiffel n'est pas comme d'habitude. Mais pour quelle raison? Elle est enneigée. Elle est illuminée. Elle est illuminée, ça c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce c'est que c'est ça. Une question de peinture, de couleur? Non. De chaleur, justement. De chaleur, parce qu'elle se contracte. Elle rétrécit. Bonne réponse, Henri. Oh, et oh. Elle rétrécit. Ah ben, moi, tu passais pas la Tour Eiffel, toi. Comme t'as. Elle rétrécit. C'est le même principe, on va dire. Eh oui. C'est comme ça. De 4 à 8 centimètres. Oula. Oui, vas-y, finis ton. Quand même. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup quand même. Hein. C'est rigolo quand même que ça. C'est super drôle. C'est le principe du fer. Ben oui. Et l'été, c'est pour ça qu'il y a des fentes. C'est pour ça qu'il y a des fentes sur les rails de chemin de fer. En général, quand t'as des fentes, ça rétrécit pas. Hein? Même les ponts en fer aussi. Ah oui. Les ponts en fer, par exemple, à chaque extrémité sur la route. Et l'été, tu t'en fous complètement de ce que j'ai à dire. Tu vas apprendre quelque chose. Vas-y. Et tu n'écoutes pas. L'été, ça rallonge. On écoute. Bref, oui, je prends l'exemple du pont de Cavaillon, où à chaque extrémité, tu as des plaques en fer avec des dents. Et l'hiver, tu vois, hop, ça s'élargit. Et l'été, ça se referme. Oui, mais l'été, j'ai vu ça. Oui. Et tu contredis ce que je dis, en plus. Non. Tu n'as pas compris le principe du chaud et du froid. Je suis d'accord avec toi, mais en plus, elle se penche, elle s'incline un peu. Ben, normal, comme un building. Il se penche à environ 3 mètres de... C'est l'effet Ben Laden. Voilà. Franz Reichelt, français d'origine... Ça, c'est pas bien. Franz Reichelt, français d'origine autrichienne... Il est passé vite à autre chose, hein. ...a créé une invention toujours d'actualité. En s'aidant de la Tour Eiffel. Mais de quelle invention la ventouse. Il s'agit? Mais qui redis son nom, s'il te plaît. Ça va pas vous aider. Franz Reichelt, autrichien. C'est le relais radio ou un truc comme ça, non. Des ondes, non. Est-ce non. que c'est la forme, l'architecture? Non. Non. Il s'est inspiré de la lancement Tour Eiffel. De fusil. De c'est fusée. Un truc que t'as dit tout à l'heure pour rire. Moi, il dit tellement de conneries. Oh, tu peux répéter alors, du coup. Franz Reichelt, français d'origine suisse, a créé une invention toujours d'actualité en s'aidant de la Tour Eiffel. Mais de quelle invitation? De quelle? Le magnétisme? Le parachute. Le parachute, bonne réponse. Bravo. Bon. T'as vu que je t'écoute? Le parachute. Tu t'es jeté du haut de la Tour Eiffel. Ah. Créateur de parachute. C'est merci à moi. Il a sauté de la Tour Eiffel. Mais il est mort. Et il est mort. Ouais, je l'ai vu, ça. C'est il est comme mort. Une grosse du merde. Du premier étage, il a sauté. Comme une merde. Toi, tu es resté vivant parce que tu as sauté du troisième, c'est ça? Non, j'ai volé. Ah, tu as volé. Julien Collard, les grands enfants. Encore quelques questions sur la Tour Eiffel. Oh putain. Bah ouais, mais je me suis fait chier en écrire. Un jeune homme dans les années... On apprend plein de choses sur la Tour Eiffel. Un jeune homme dans les années 40 a tenté de faire exploser la Tour Eiffel. Mais pour quelle raison? Dans les années 40? Oui. par rapport à l'armée allemande qui a envahi Paris, c'est ça ? Rien à voir. Non, Hitler, il était fou de Paris, il voulait le garder. Non, il a voulu faire tout péter, Paris, Hitler. Ah ouais. Bon ? Oui. Vous n'avez pas eu même les mêmes histoires. Vous n'avez pas eu les mêmes histoires. Moi, j'écoutais pas en histoire. Le général SS qui a tout voulu faire péter. À la fin de la guerre. Et ça s'est pas fait, heureusement. Ouais, à la fin de la guerre. À la fin de la guerre. Ok. Ah, quand il s'est senti débile. Lors de la débâcle. Parce qu'à la base, il était fou de Paris. Mais ça s'est pas fait. Jess, oui. Il a voulu faire péter la Tour Eiffel, tu dis ? Oui. Mais c'est pour des raisons personnelles qui lui étaient propres à ce jeune homme, rien à voir avec l'histoire. En quelle année tu as dit 1940 ? Dans les années 40, mais ça va pas vous aider. Qui? Ouais, mais tu t'en sais rien. Tu dis années 40 à peu près. Est-ce que tu as une date bien précise? Non, parce que la date, ça n'a rien à voir. Un fou aurait pu avoir la même idée aujourd'hui. Ah, parce qu'il était fou. C'est pour des raisons personnelles. Personnelle, et c'est une raison complètement idiote. Hein, parce qu'elle cachait sa vue. Non. Parce qu'il a demandé sa femme en épousaille. Non, mais j'y suis. À l'endroit de la Tour Eiffel. Ouais. Elle cachait sa vue de son balcon. Non. Artistiquement, il a trouvé pourri. C'est par rapport à chez lui, effectivement. À chez lui, elle faisait de l'ombre. Non. Je suis presque. Elle faisait barrage à des ondes radiophoniques ou autres. Elle bloquait la vue radiophonique et la Tour Eiffel. Parce qu'elle était plus haute que l'étage de sa maison. Non. Il était frustré. Elle cachait le soleil. Elle était déjà allumée à l'époque la nuit. Ça l'empêchait de dormir. Ça l'empêchait de dormir. Bonne réponse. Mais c'est pas un indice ça. Le mec il pose c'est une question. C'est carrément la réponse. Mais oui, il donne une réponse. Ouais, mais on y était presque. En 2007. Pas du tout, il en avait marre. Comme ça, on passe. Une jeune femme a pris une grande décision. Quand ça ? En 2007. Ah bon. Il faut dire qu'elle est objectophile. Mais qu'a fait cette jeune femme avec la Tour Eiffel ? Elle lui a fait l'amour. Non. Elle a grimpé. Elle a voulu se marier avec elle. Bonne réponse de ça. C'était moi. la meuf, elle s'est mariée avec la Tour Eiffel. Elle lui a forcément fait l'amour. On m'a refusé le mariage. Ça a dû lui faire mal quand même. Elle apprécie les gros phallus. J'ai vu une femme faire l'amour à une rivière. À une rivière folle. La Tour Eiffel, c'est pointu quand même. Ça fait mal. Oui, mais bon. Non, elle n'est pas obligée de s'asseoir dessus. Bref. Cyril, elle est pour toi cette question. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Français ont coupé les câbles de l'ascenseur. Juste pour emmerder la personne qui, ce jour-là, venait la visiter. Bah, Adolphe. Pas de réponse. Ça, c'était cadeau. C'est rigolo ? Ah oh ouais, c'est marrant. Ah oui, non, mais ça marrait. C'est bien, il a emmerdé. Ah oui, non, mais c'est bien, il fallait l'emmerder. Du coup, il s'est tout tapé à pied. Non, je crois pas. Ah oui, il a monté les escaliers. Bah, on l'a porté. 1800 marches, un truc comme ça. Ouais. 1789 marches, je crois. Où résidait, avant-dernière question, sur la Tour Eiffel, où résidait le créateur de la Tour Eiffel et de la Tour, Gustave Eiffel. Dans sa maison. Dans le sud-ouest. Alors, je crois qu'il habitait dans un bâtiment... En France ? C'était en France, d'abord ? Il y a un pont en France dans le sud-ouest qui a été fait par lui. Non. Non, mais c'est une question piège. À Eiffel, Gustave, à la Tour... La Tour Eiffel. Bonne réponse de Cyril. Il pose des questions que... Pourquoi ? Déduction. Il avait son appartement au sommet de la tour. Ah mais oui. Qui est devenu aujourd'hui... Je croyais avant de la construire. Qui est devenu aujourd'hui un restaurant. Carrément. Et dernière question sur la Tour Eiffel. Citoyen de Prusse, en mars 1891, a tenté d'escroquer des gens. Il a levé des fonds dans toute l'Europe. Mais... Quel était, soi-disant, son projet pour la Tour Eiffel ? Eh ben, d'habiter dans la Tour Eiffel. Non. De la démonter, de la faire reconstruire. Non. D'en faire une identique. Non. De la, reproduire en miniature. Non. C'est un truc vraiment... De l'acheter vraiment... Non, pas l'acheter. Il a arnaqué des gens pour avoir des sous, pour faire quelque chose à la Tour Eiffel. Il leur a fait quoi ? Voilà, pour la Tour Eiffel, je veux faire ça. Il voulait la grandir. Donnez-moi les sous. Pas la grande hauteur. Il voulait en faire une fusée. Il voulait fondre pour faire des boulets de canon ou des trucs comme ça. Quoi. Non. Vous avez la Tour Eiffel. Ouais. Qui est donc point dessus. Il voulait en faire quelque chose de spécial. Un tipi. C'est pas. C'est un hôtel. Le tipi avait pu faire une salle de concert, quelque chose comme ça. Une salle de concert. 1891. Un zénith. Pour Johnny en 1891. J'ai oublié la date. Ah, ben oui. J'ai beaucoup de choses. Non, alors, vous avez la tour Eiffel. Ouais. Hein, elle bouge pas. Elle voulait pas la bouger. Ah, il voulait la laisser à sa construire dessus. Mais il voulait la déplacer alors. Non, non, non, il voulait pas la bouger, j'ai dit. Faire des voyages organisés. Et c'est sur la tour Eiffel, sans la bouger, il proposait quelque chose. Un hôtel. Non, arrête. Ah, au-dessus de la tour Eiffel. Oui. Sur. Une montgolfière. Non. Un saut à l'élastique. Non. Un ballon. Un saut en parachute. C'est quelque chose pour un dirigeable. Pour la protéger. Une bâche. Un genre de globe là. Une bâche. Bonne réponse. Sans déconner. Mais gars, pourquoi ouais. faire. Il ouais, avait pour projet plus. D'installer une housse géante. Oh. En quelle année déjà, 1880. Et t'as des gens qui avaient les fonds. Et il est parti avec le fric. Julien Collat, les grands enfants. Julian Kivley. On s'en fout. Hein, de quoi? Bah, comme d'hab, les noms. Bah oui, en général, c'est Ouais, mais là, il se trouve que c'est... Il a donné son nom, hein. Là, il se trouve que c'est Julian Kivley. Julian Kivley. Et le seul en France à faire ça. Ah, c'est un français? Ouais. Eh bah, dis-le en français. Mais en français, c'est... Julien. Mais non, Julian, ça existe un prénom. Ah, Julian. Ah, d'accord, mais articule. Julian Cuvillier. Voilà. Ah, voilà. Voilà. Ah ouais, on n'y était pas du tout. Ah ouais, mais ça sert absolument à rien dans les questions. Qu'est-ce qu'il a clair. Fait Et le seul en France à faire ce métier. Mais de quel métier s'agit-il? Il fait des petites cuillères. Non. Non. Est-ce que c'est un rapport avec l'alcool? Non, on rit pas tout à l'heure. Cuvelier, c'est une marque. Est-ce qu'on enlève le sexe? Oui. Bon, on ne peut pas répondre. C'est un artisan, donc. Oui, c'est un artisan. Qu'est-ce qu'il fait? C'est le seul à... Et on s'en sert encore? C'est pas le seul à fabriquer les godes. Ça n'a aucun rapport avec le sexe, Sarah. Ah bon? La meuf, elle t'a sorti ça comme si... On va à Disney? Mais non, mais j'ai vu une petite... La meuf, elle t'a sorti ça. Oh, mais non, mais attends, on va chez Auchan, il faut faire les courses. Mais non, mais j'ai vu une petite vidéo où il montrait la fabrication et il disait qu'il n'y en avait qu'une seule en France, etc. Comment tu tombes sur ce genre de vidéo? Mais Facebook, mais non, Facebook, etc. Quand même. Je crois que je l'ai vu. Bon. Mais si c'est le seul, il doit être blindé de thunes. En plus, je ne pense pas que c'est le seul. Parce que... Non. Non, c'est un truc qui n'est pas d'époque. Ah bon. Et est-ce qu'on l'utilise encore aujourd'hui? Au quotidien? Non, personne n'utilise ça. C'est très mais rare. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, Julien? C'est pas possible. Mais non, c'est intéressant. Je lui dis à chaque fois. Les lampes à pétrole. Pas des lampes à pétrole. Est-ce que c'est quelque chose qui était utile à l'époque? Alors, à l'époque, c'était utile. Et surtout, on le connaît maintenant, même si nous, on s'en sert jamais, par rapport à une histoire, à un super-héros, à une bande dessinée. Quoi? C'est une lampe magique, là, une lampe... Non. Captain Lanterne. Capitaine Lanterne. Cobra, avec Belmondo. Non, Captain on Lanterne. On est encore dans un dessin animé. Green Lantern. Non, mais je t'ai laissé faire ton... Pourquoi par rapport à un super-héros? Ouais, plutôt, alors... Marteau de Thor. Devinez la BD. Non, mais on est dans ce truc-là. Dans le marteau? Voilà. Non, mais dans le marteau. T'as compris le principe. Oui, j'ai compris. Thor, oui, voilà. Alors là, attends, c'est pas Thor. Couvez la BD. Ou le dessin animé. Ou le film, ils ont fait les films. Mais on parlait pas de quelqu'un qui avait. Oui, mais ça va vous aider de trouver. Ah, d'accord. Un trident. Non. Un cure-dent. Un bourrier. Il fait des épées de... Non. Non, mais j'essaye de me mettre à ton niveau aussi, point de vue culture super-héros, quoi. Non, mais là, c'est pas un super-héros. C'est un super-héros. Non, c'est un super-héros, mais. Pas dans le sens Marvel et tout ça. Putain, mais soit c'est... Je suis là dans les Marvel. C'est la bande dessinée la plus connue. Tintin et Milou. Superman. Les casques d'Astérix. Alors, c'est Astérix, mais c'est pas Obélix. Les casques d'Astérix. La potion magique. Non, le mec fait la potion magique. Mais oui, oui. Les menhirs, hein. Bah oui, c'est qui le menhir. Le ramassage du gui avec la serre. Qu'est-ce qu'il dit? Super-héros, là. Les glaives. Mais c'est un super-héros, Astérix. Mais pas du tout. Bah non, il a la... Pas du tout. C'est un super-héros, Astérix. C'est pas un... Mais non, mais pas du... Mais c'est Panoramix, alors. Mais c'est un des deux. Le droïde. Les droïdes. Des serpettes, des serpettes. Non, j'ai pas les serpettes. Ouais, pour couper le gui. Pour le gui. Non. Gui. Alors, trouvez le personnage d'Astérix. Ah, d'une harpe. Obélix. Une harpe, oui. Non, ça se fabrique encore. Bonne réponse. Non, mais attends, ça se fabrique encore, ça. Ça se fabrique. C'est utile, hein. Ah non, non, attends, on va dire bonne réponse, que vous trouverez jamais le vrai nom. La lyre, bravo. La lyre, exactement, c'est voilà. Ce que j'allais dire. Oh, comment tu nous sous-estimes. Julien Collat, les grands enfants. Qu'est-ce qui est estimé? Jaune et qui attend. Jonathan, j'ai pensé aussi. Voilà, ils passent leur vie sur Internet, ils n'ont rien à faire. estimé entre 450 000 et 490 000 euros. Ouais. Il sera mis en vente le 16 décembre à Lyon. Mais qu'est-ce qui sera mis en vente le 16 décembre prochain ? 4L. 4L ? Non. Une belle 4L. Ah, une très belle 4L. C'est pas une statue. Est-ce que c'est un livre d'or ? On peut pas dire ça. Un livre d'or, non. Un tableau. Un tableau de maître, non. Une peinture. Peinture, non. Un dessin. Dessin, non. Est-ce que c'est contemporain ? Est-ce que c'est de notre époque ? Non. Un vinyle. Une momie. À Lyon, un film, peut-être. Un des premiers films des Frères Lumière. Non. Alors, attends. Ou un projecteur de cinéma. Refais, combien tu l'as dit ? Parce que tu as donné deux chiffres. Oui, parce qu'on ne sait pas trop. Il est ça va partir entre 450 000 quelle époque, et 490 000. Ah, c'est vieux, c'est très très vieux. Machine à écrire ? Non, le plus vieux que ça. Le tombeau de Jésus ? Le linceul de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le Graal. L'hostie de Jésus. Est-ce que ça a rapport avec l'Égypte ? Non, c'est plus vieux. Dalida ? Donc ça date d'avant. Donc est-ce que on est dans le squelette de Lucille par exemple ? Le qui ? Comment tu dis ? On l'a pas retrouvé. Le squelette de Lucille. On l'a pas retrouvé. Si Lucie, on la connaît. Mais on l'a pas retrouvé. Excuse-moi. Si on a son squelette. Sinon, si on l'a pas retrouvé, on n'aurait pas son prénom. Eh ouais. Bah oui. Mais si elle était morte, comment tu peux savoir qu'elle s'appelait Lucie ? Mais c'est un prénom c'est qu'on un l'a prénom donné comme ça. Mais oui, c'est pareil, c'est subjectif. Pascal Obispo, il a vu, il a dit Lucie. est-ce que c'est justement un homme de Néandertal ? On ne vit qu'une fois. Alors non, c'est bien un squelette, mais c'est pas un homme de Néandertal. Un mammouth, des dents de mammouth. Mammouth, bonne réponse. Bravo. Oh, bien joué. Hein. Ils vont vendre si ça vous intéresse. Hein. Julien Collard, les grands enfants. La ville de Condimanche. Ah bon. Va ah bon. Se doter de nouveaux passages piétons. Mm-hmm. Mais oui, mais là, on est proche du peuple. Là, je joue mon Jean-Pierre Pernaut. Mm-hmm. La ville de Condimanche va se doter de nouveaux passages piétons. Mais quelle va être l'originalité de ces passages piétons ? Ils auront des radars. Non, c'est du sable excellent. Mouvant. Ça existe. Ouais, mais c'est pas ça. Mais c'est une très bonne idée. Sur un gravier ? Avec des morceaux de verre. C'est un tunnel qui passe sous la route. Il y aura des barrières, coulissantes. Non, c'est high-tech. Il y a des spotlights. Ça y est, j'ai trouvé. Il y a des lasers. Non, c'est un système de téléportation. Non, c'est comme les escalators. Dans le tapis roulant ou quoi. Non, mais il y a de l'idée. À quelqu'un d'autre, t'aurais dit bonne réponse. Mais non, c'est pas ça. Il y aura une sorte de rayon qui arrêtera les voitures. Ouais, tu prends de la bonne, toi. Non. Ça existe. Non, mais il y a plus. Les gens seront filmés au cas où. Freinage automatique, quoi, un truc comme ça. Les gens seront filmés sur les passages piétons au cas où il y a un accident pour pouvoir. Ça existe déjà, ça ? Bah non. Si, il y a des caméras partout. Il y a une route. Il n'y a pas de passage piéton. Il y a une herse. Comment faire ? Pour en faire. Pour faire un passage piéton. Bah, tu vas plus loin. Eh ben, on fait un pont. Ma foi. Non. Et ben avec de la peinture. C'est pas matériel. Ah bon. Mais tu peux pas le dire. Des stickers. Du tissu. Des poils de chat blanc. Tu vois, tu roules. Et pop. Et à tout moment, il peut y avoir. Bah avec des LED. Mais des feux, quelque chose. C'est une alarme. C'est quelqu'un. Alarme, non. C'est quelqu'un qui est là pour faire passer les gens. Ça s'appelle un gendarme. La sécurité. La chaussée sera équipée de telle façon que, comme un écran, on le pourra s'allumer et représenter. On va l'accepter. Bonne réponse d'Henri. Des passages piétons 3D. Waouh. Ah, bah alors. T'appuies sur un bouton. Parce que moi j'ai dit que c'était la télé aussi et. Non, je suis pas d'accord. Et je m'en bats les yeux. T'as pas dit la télé. Si, j'ai dit. Allez, on partagera la prime. Pour résumer, sur toute la longueur de la route, t'as une rue où t'as pas de passage piéton. Voilà. Si du jour au lendemain, la mairie décide, au lieu de peindre, ils vont appuyer sur un bouton et tu vas avoir les passages piétons en 3D. Où tu veux. C'est bien, hein. Ils ont de l'argent à foutre en l'air. Non, parce que dans le sol, il y a des. Sûrement des matériaux qui permettent justement. Et t'as dit que c'était pas matériel. Ah, c'est pas matériel, non, puisque mais... c'est un truc qui. T'appuies sur un bouton, ça disparaît. Ouais, mais il faut que le sol soit. C'est un peu bizarre son truc. Moi, non, mais il a des questions. Non, regarde, tu peux faire un rétroprojecteur sur n'importe quel mur. Oui, oui. Et qu'est-ce qu'elle a dit, Julie, tout à l'heure ? Je sais pas ce qu'elle a dit, Julie. C'est pas grave. En général, quand elle parle, je ne l'écoute pas. C'est ça. C'est ça, c'est un peu pareil, alors du coup. Julien Collard, les grands enfants. Le petit village de montagne d'Abinine a un moyen. Le petit village de montagne d'Abinine a un moyen bien précis pour attirer de nouveaux habitants. Mm-hmm. On en a beaucoup parlé cette semaine. Avec des sucreries. Mais quel est ce moyen ? Des bonbons. Non. Ça marche avec les enfants. C'est un truc, c'est quelque chose de commercial ? Bah, oui. C'est un village de montagne. Des, la raclette. Des filles à la touffe, c'est ça que tu voulais dire ? Mais non, moi je parle de la prostitution. Enfin, oui, des filles à la. Oui. Des filles de joie. Non, pas des filles de joie. C'est un village de montagne ? Oui, ça peut aider, mais oui, c'est un village. Est-ce que ça peut aider justement ? Non. Non. Mais c'est un petit village où, il manque, où les habitants se barrent et ils ont trouvé que ça pour essayer d'attirer des discothèque. Gens. Discothèque. Ben, ils les payent pour venir. Bonne réponse à ça. Ils font ça en Grèce aussi. Il est où ce village hein? Ah bon ? Il y a un petit village en Grèce où ils te donnent une bonne prime pour venir habiter chez eux. Parce qu'il manque de villageois. Il est où ? Parce que ça existe en Bretagne ça aussi. C'est en Bretagne ce village ou pas ? Non, c'est non. En Suisse. Mais en Bretagne, il y a un village. Tu donnes 60 000 euros. Ah ouais, quand même. Donc, je pense que je vais y aller. Ah non, en Bretagne. Mais tu repars après. Si... Ils ont donné des terrains pour que les gens construisent. Je vais y aller, je reviens. Je vais y aller, je reviens. C'est bien aussi. Change de nom. Pas mal. Hein, je suis drôle, hein. Tu es qui ? Question cinéma. Ah, enfin. Qui joue le Père Noël dans son nouveau film ? Alain Chabat. Bravo. De bonne rien. Réponse collective. Ah non, je l'ai dit avant. Non, là, j'ai rien. Je l'ai dit. T'as dit Alain, elle a dit Chabat. D'accord. Bon, allez, tu nous donnes le point à tous les et deux. Et même que c'est lui qui réalise. C'est lui qui réalise. Et je me languis de le voir. Ouais, il a l'air pas mal. Aussi. En général, le film d'Alain Chabat, c'est j'adore. Et Alain il sort Chabat. Quand ? Il sort le. Il sort. Là, pour Noël. Là, pour Noël. Là, oui, le mercredi. 24. 6 décembre. Le 26, même pas. Le 6 décembre. Le 6. Ah, est-ce que c'est toi ou c'est moi qui donne l'info du coup ? Parce que je sais plus. Et le titre, vous avez pas dit le titre. Le Père Noël est une ordure. Vous avez pas dit le titre. Eh putain, pourtant je l'ai. Saint-Nicolas ? Non, je l'ai. Santa Claus ! Non. Si. C'est un Santa, mais c'est pas Claus. Santa Claus. Santa ou Open ? Santa et compagnie. Ah, ben voilà. Santa et compagnie. Et après, il rigole de moi. Où peut-on voir ? Au cinéma. Non, c'est une autre question. Où peut-on voir Ashley, Aza, Lilou, Carla, Canissa Negro ou encore Ophée ? Où peut-on voir Ashley, Aza, Lilou, ouais, c'est bon. Carla, Ozo. Canissa Negro ? À la SP, hein. Oh, ça sera drôle quand je saurai pourquoi tu rigoles. Ah, d'accord. Oui. Parce que pour l'instant. Non, Chéri Berry. Est-ce que c'est des. Chéri Berry. Ça a à voir avec la politique, ça, non ? Est-ce que c'est des femmes ? Il y a des femmes, mais il y a aussi des hommes. Plutôt des jeunes hommes, des jeunes. Où est-ce qu'on peut voir ? C'est une comédie musicale ? Non, pas directement, non. Une émission de télé ? Oui. Bah, chez les Marseillais ou des conneries comme ça ? Non. Ah bah, je suis pas. Je peux ouais, pas savoir. C'est une émission ? Télé ? Koh-Lanta ? Qui va débuter ou qui a débuté ? Qui va finir ? Ah oui, d'accord. Où peut-on voir Ashley, Aza, les princes de l'amour, des trucs comme ça là. Non, c'est un peu plus. C'est pas bouillon de culture, c'est sûr. Non, c'est sûr. Ah, c'est un peu plus artistique que les Marseillais. C'est pas une télé-réalité directement, quoi. Ah, c'est. Oh là là. La France. Alors pas la France, un incroyable talent. La nouvelle star. The Voice. La nouvelle star, bonne réponse. C'est les finalistes de la nouvelle star et j'en parle parce que. Personne n'est au courant qu'ils sont finalistes. Non, mais c'est vrai, ça ne marche pas. Mais ouais, mais bon. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est la vie. C'est la vie. Mais ouais, ouais. Non, mais en même temps. C'est comme le bonus star. Quand c'est pourri, c'est bon. Pourri. Hein. C'est ça, il arrive un moment, il faut qu'ils admettent. C'est que... une éclipse de star. C'est fini, quoi. Violette Jessop est unique. Ouais, c'est son nom, hein, te moque pas. C'est Luz Mariano, l'amour est un enfant de Violette. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est Violette Jessop, est unique dans sa catégorie. Elle a vécu trois fois la même chose et elle s'en a pris est la foudre. Toujours sortie. Mais qu'a-t-elle vécu trois fois ? C'est pas la foudre. Bon, elle est morte trois accident fois. Accident de voiture ? Ah bah, elle est pas morte du coup. Non, elle est mais morte non, trois mais fois. Je veux dire par là, elle a. Cliniquement. Elle a, voilà. Ah, elle a failli crever trois fois voilà. Et puis elle s'en est sortie. C'est ça ? De quoi? Bah c'est ça, pas du coup. Non, pas quand c'est pas moi. Condamné à mort. Mais t'as dit quoi comme réponse? Bah qu'elle est partie, comment dire, dans un genre de coma artificiel. Ah non, non, non. Condamné et après, à mort. Tu reviens, non, quoi. Non. Mais écoute. Voilà, voilà. Elle a essayé de faire un gâteau, elle a pas réussi pendant trois fois. Je l'ai c'est... Non, c'est un truc plus chaud, quoi. Elle s'est fait refaire les seins trois fois. Non. Le nez. Non, non, non, c'est... Une électrocution? C'est pas électrocution. Noyade? Bonne réponse, on va l'accorder. Bah, bonne réponse de Cyril. Là, je l'ai dit. Cette dame était sur le Titanic. Ah. Elle s'en est sortie. Elle était sur le Britannique. Elle s'en est sortie. Elle était sur l'Olympique. Elle s'en est sortie. Ah bah, elle peut brûler un cierge. Hein. Julien Collat, les grands enfants. Alors, les tweets, je le dis à Sarah. Parce qu'elle moi, j'aime pas les tweets, je le dis direct. C'est comme les citations, mais sauf que c'est des tweets. Et je vais boire un café, du c'est coup. C'est des tweetations. C'est-à-dire, c'est les gens qui sont forcément vivants. Hein. Voilà. J'aime pas qui les a tweets. Tweeté elle n'a rien à foutre. Trois. C'est vrai que t'aimes pas les tweets. Ah, c'est des gens connus qui ont tweeté quelque chose et nous, on doit savoir qui. Voilà. Ouais, tu comprends vite. Hein. Qui a tweeté trois ciments de l'amitié? La langue, la culture, le sport. Bah, Jack Lang. On relèvera pas. Non. C'est très facile, ça. Ça a été entendu, vu, retweeté. La langue, si vous avez pas... répète. Trois ciments de l'amitié, la langue, la culture, le sport. Très simple. Yannick Noah. Pierre Ménez. Non, très connu, très... Mais quoi, il est connu? Johnny Hallyday. Pivot. C'est un rigolo, c'est un rigolo. Pivot. C'est un rigolo, non. Ça aurait pu être Pivot. Il est marrant, mais c'est pas son job. Hollande. Hollande, pas Hollande. Macron. Macron. Macron, bah, elle répond. Oh. Ah ouais. Qui a tweeté, après enquête, les raisins n'étaient pas de Paris. N'étaient pas? De Paris. Les raisins? Oui. Celui qui fait fait entrer l'accusé, là. Ondelat? Oui. Non. Pierre? Pierre qui? Pierre Ondelat? Non, c'est pas comme ça, c'est pas son prénom. Si, c'est lui. C'est... Ah, c'est Christophe. Ah oui, bah oui, aussi. Après enquête. Ça doit être son deuxième prénom. Ça doit être son frère. Christophe Pierre. Pierre Christophe. C'est son frère. Faites entrer le frère. Pierre. Après enquête, les raisins n'étaient pas de Paris. De Pardieu. Avec une photo d'une bonne bouteille de vin. C'est pas de Pardieu. Pardieu. De Pardieu sur Twitter. Ce rapport à l'Elysée. Il y est sur Twitter. Hein. Chose. C'est le faux, c'est un faux Luchini compte. Luchini. Je suis pas sûr. Hein. Ah, ça vérifie. Luchini, non. C'est un fils de... Fils de pute hein. Bedos. Oh, oh là, fallait pas la faire. Bedos. Non. Ben quoi que... Non, c'est pas Bedos. C'est pas Bedos. Il est connu pourquoi? Bah, il est connu parce que... À part ce tweet, c'est, là. C'est un... C'est un temps. De merde. C'est un chanteur, musicien. Moi, j'aime bien. Le Grand. Florent Pagny. Le fils de Michel Legrand. Mais non, c'est David Hallyday. Ah, c'est un fils de... Bah, c'est le fils de son père, on sait pas. Pagny, non, je suis pas sûr qu'il a... Un fils de... Ouais. Thomas Dutron. H. Dutron, ah, bah... Oui, H. Ah, H, non, M, je voulais dire, moi. Et enfin, qui a dit... H. Je dément, je n'ai pas été menacé de mort. Merci au site People de ne pas tenter de saboter mon spectacle. Patrick Timsit. C'est pas Patrick Timsit. Je l'ai entendu, ça y a pas... Eli Kaku. Lui, ça a été saboté par contre. Tout à coup. Pour le coup, ouais. Paix à son âme. Qu'est-ce qu'il nous fait? Mais qui c'est qui fait des spectacles en ce moment là? Apparemment, ouais, grand spectacle, puisqu'apparemment, c'est une star qui a tout. Ah oui, grand spectacle. Gad Elmaleh. Non, c'est pas Danny Boone. C'est pas un humoriste. C'est pas un humoriste? Donc, il fait pas. Il chante alors. Oui, mais là, il est pas sur scène. Hein. Juste, un Pokora. Juste, il a écrit. Non, un artiste qui a tweeté. Un artiste. Précise. Oh putain, allez un indice. Slimane. C'est à propos d'une comédie musicale. Ah. Kamel Wally. Non. Ah, Florent Pagny. Pas Pagny. Je l'ai dit. Ah, tu l'as dit. Tu m'écoutes même pas quand non. Mika. Pagny, il a pas fait de comédie musicale. Non, Mika. Non, c'est pas Florent Pagny, c'est l'autre. C'est l'autre. Obispo. C'est le chauve Obispo, voilà. Obispo, bon. C'est moi qui l'ai dit. Oui, c'est pas la réponse, c'est ça. Je t'ai un peu aidé. En fait, tu lui as soufflé la réponse, comme ça, il a plus le dire. C'est merci, bon, c'est fini. Merci, oui, tu peux te casser. C'est bon, on peut y aller. Fou, merci là, d'avoir été là. Merci de nous de avoir merci invité. À toi. Merci à toi, Julien. De rien. Merci vraiment. De ta c'est vraiment un honneur. Hein. On se retrouve bientôt. Merci, Henri. De rien. T'as vu, tu l'as réveillé. Non, je suis en train de réfléchir sur le mot un con errant. T'as vu errer où Elle travaille un peu l'articulation. Un con errant. Demain 8h orthophoniste. Merci Sarah. À bientôt. À bientôt. Salut.